Double H, double tranchant, katana entre les dents. Suis chaque mouvement, le sabre un feu dansant. Ni de fer ni d'acier, dur comme le diamant. Arme d'un autre temps, forgé par les titans. Taille comme le laser, le son et la matière. L'art et la manière, de n'atteindre que les artères. Précision moléculaire, école de l'épée liquide. Swing de Shaolin, tempête sous le ring. Prise la dernière ligne, signe le premier sang. Nera vif sans les griffes, appelle-moi châtiment. Sur un trône comme Albator, admirant Albatar. Je trouve toujours la faille comme l'évadé d'Alcatraz. Topaz et améthyste, poison dans les calices. Lucère dans la mélasse, molosse dans les abysses. Pachyderme sur la colline, j'arrive comme Hannibal. Épiderme devenu écaille à force de cogner sur les plages. J'étais parti pour une comptine, ce sera tout un odyssée. Remercie le ciel, j'étais gratuit, toute ton équipe a fini dans le fossé. Bosser, bosser, bosser, bosser et encore bosser. Je vendange à la clé mort, à moi seul, la grande écossais. Fais sonner la cloche, si tu me vois venir à l'horizon, je te conseille d'acheter ton poste. Dans ma tête j'ai toute une garnison, toute une partition. Bientôt sonnera le requiem. Écoute, le vent se lève, j'entends au loin le chant des hyènes. Les corps qui trépassent, les rapaces qui se repaissent. Parti sur le champ de Mars, bienvenue au royaume d'Hadès. Excalibur, exauce ton souhait, applique l'extra-notion. Le requin finit percé par la force de l'espadon. Brûle ton blason et j'écrase tes fleurs de lys. Les pores finissent dans la branche aromatisée à la pisse. J'envoie tes corps comme dans tes triches, gratte tout des cimes à la racine. La vision de Gengis Khan, l'obscurité d'Anakin. Le cimetière de Saladin, le silence des fantassins. Quand résonne le chant du cygne, le cimetière n'est jamais loin. Pantalon d'Achille, motivé comme Attila. J'efface toute une lignée en un seul craquement de doigts. Invisible comme la clé du vieil de la montagne. Invincible, claque, j'inverse la place de tes organes. Intouchable, personne ne peut atteindre un fantôme. L'esprit de la lame, ninja parmi les atomes.